Tiens, baisse un peu le son, s'il te plaît. Oui, voilà. Bonjour. Ça fait longtemps. C'est Pyongyang Skyrockers qui recommence numéro 412 cette semaine avec plein de gens autour de la table. Célia qui est aux manettes. Salut. Il y a Mézig. Hello. Et puis il y a Tézig aussi. Ouais. Hello. Et il y a Lézig aussi. Oui. Ouais, mais toi tu parles pas fort. Hein. Aïe! Bah voilà, putain, le hurleur, ça fait longtemps que t'as pas hurlé. Et notre directeur de conscience ce soir, Ripoll, qui est aux manettes du bar, actuellement fermé, mais bientôt ouvert. Moi j'ai pour quelques annonces de concerts, sinon des nouveautés, des machins. Des nouveautés, des machins. Ah oui, et puis une super reprise, j'ai vu. voilà. Moi j'ai un peu d'annonces de concerts aussi. Du coup, je vais commencer par ça. Vas-y, commence. Allez, je commence. Attends, je reprends mes notes. ce vendredi au Black Lab, il y a un concert avec Frustration, Gwendoline, Canteleu et No Filter. J'ai choisi de nous passer un morceau de Gwendoline. Oh. C'est un duo de Rennes qui fait de la Cold Wave ou Schlag Wave, comme ils aiment se décrire. ils ont quelques morceaux sur lesquels on a bien envie de faire la fête, comme celui que je vais passer. Ça s'appelle Audi RTT. Le morceau, il est dispo sur l'album Après ses gobelets, qui est sorti en 2017. Tout de suite, Gwendoline, Audi RTT. We'll be right back. putain, c'est dur, putain, c'est dur, putain, c'est dur, putain, c'est dur, putain, c'est dur, putain. On a envie de faire la fête. Oui, non, mais attends que le micro il soit allumé pour parler à Joe. Il était allumé, la moitié de ce que tu dis. Ah ouais. Rigolo. Je dis que j'ai envie de faire la fête. Ouais. C'est la pleine lune. C'est la pleine lune. C'est bien pour faire la fête. Tu peux aller faire la fête dès ce soir. Attends, faut que je trouve mon micro, là, mon casque, putain, salope. Dès ce soir. Ouais, tu peux aller faire la fête ce soir. Quoi ça y est, je sais même plus où c'est. Bah si, c'est marqué au circus. Ah bah non. Bon, je sais pas, pourtant il y a Naked Nurses là qui vont commencer d'ici dans une heure. Et puis ensuite il y aura Ozzy But au ZIBUT, c'est le frère de Jules, tu sais. Et donc Tom il vient aussi de quelque part en pas Rennes mais pas loin de là, un bled à la con en Bretagne forcément, donc à la con. Oui. vous pouvez téléphoner au 03 62 26 89 18 pendant les pièges musicales pour m'insulter. mais les autres vous insultez. Mais ça va être très breton, pas. Tu vois, moi ça va être pareil. Voilà. Puisqu'on a commencé avec du truc bien prime sautier, bah, je continue avec Ozzy But et dans le même genre. Et lui, il nous parle de ce qui se trouve dans le sol et nous aide à nous sustenter puisque c'est eux qui fabriquent la terre. Les lombrics par Ozzy But. Que dans la nuit, la vérité comme preuve de vie. extrêmement punk ce début de Pyongyang City Rockers. Ouais. Et Ozibut, si vous n'avez pas le temps d'aller le voir ce soir, juste après Naked Nurses au à la Circus, vous allez le voir dans la même rue, mais un peu à l'autre bout, au Bidule, vu qu'il sera demain au Bidule avec Run Run Jump Punch, Chip Tune Punk. Ah ouais, c'est vrai que ça a repris, ça se trouve, Run Run Jump Punch. Mais ça, c'est demain, hein, au Bidule. Ouais, voilà. Ils font l'attendre de la rue Henri Kolb, alors. Ouais, c'est ça. Bah, s'ils cherchent quelqu'un pour jouer avec au Chat qui fume, on peut s'organiser ça. Hein, ça... D'accord. Puis, ah ouais. En général, et ça finit au Locaria ou bien ouais. Tu sais, au Boubou, là, au Locaria ou bien à la Griffe. Et lundi? Et lundi, au Monday. Ouais, d'accord. Ouais. C'est en face? Oui, c'est vrai. Oh, oh, la rue Henri Kolb, c'était si bien. S'il n'y avait pas la rue Henri Kolb, bah, dis donc, qu'est-ce qu'on vient? Feu la rue Henri Kolb. Pourquoi? Bah avant, il y avait l'agressif. Ouais. C'était quelque chose d'incroyable. Il y avait même la pizza soleil, mais qui n'était pas aimé par tout le monde. Surtout après coup, en apprenant quelques histoires. Mais voilà. Feu la Henri Kolb et feu. C'est aussi mon prochain. J'ai vraiment pas fait exprès. Putain, transition. Ah ouais, ouais. Bah, du coup, petite nostalgie de la semaine dernière, parce que la prochaine, ça sera une reprise. La semaine dernière, on a mis plein de reprises, puis il y avait aussi un concert de reprise. Enfin, c'était la semaine de la reprise. Putain, c'était vraiment bien ce concert de reprise. Là. T'as bien aimé? Ouais. T'as bien aimé les concerts là? Ouais, ah ouais, c'était bien. Hein. Tout le monde. On a bien rigolé. Bien. Hein. Ouais. Halloween et tout. Là. Ouais. Avec les robots, vous êtes au vu. Ouais. Du coup, une petite reprise du groupe Molodoy par les Nantais de Feu. Voilà, justement. Feu, j'avoue, je connaissais pas avant de préparer l'émission. Mais ils viennent tout de même de sortir leur deuxième LP, c'est-à-dire qu'ils en avaient déjà sorti un en 2013. Tu sais compter, c'est bien. Ouais, c'est pour ça que t'as pu intégrer l'équipe de Pyongyang. Ouais, j'ai fait une licence d'économie à la fac de Lula. Oh là, je sais pas, là, à travers, avec ou sans anti-pop. Donc, Feu, qui sortent là leur deuxième LP, qu'on en passera tantôt, mais j'ai pas choisi de passer ça ce soir. Juste, pour info, Feu, c'est un groupe punk rock créé en 2018 avec des anciens membres des groupes tels que The Attendance, Heavy Heart, qui sont des groupes nantais. Voilà. Et Justine, des gens de Justine aussi dedans. La bande à poubelle, tout ça, là. Et le titre, de base de Molodoy, qui est repris par Feu, c'est Cassons les murs du post-punk. Non, Cassons les murs. Une pensée qui va tout droit d'ailleurs pour la Palestine, victime d'un génocide, on le rappelle, et que le crime continue sous couvert d'un pseudo cessez-le-feu. Voilà. Donc Free Palestine, Feu, Cassons les murs sur Radio de Campus Lille. Toujours libre. Yeah. dis donc, on dirait qu'il chante. Ah bah ouais, bon, faut y aller en chantant pour casser les murs. Ouais, c'est un peu propre, ouais. Enfin bon, mais c'est bien, ouais. Oh, moi j'aime bien cette version, elle est cool. Mais je préfère Molodo. Ouais. Hein. Bah ouais, je me doute, tu les as vus à Saint-Lenoble, je crois. Ouais, t'as vu. Avec les pères fusées en première partie, même que Juju, ouais. Il préférait boire des coups et tout, ouais, bref. Et, alors, attends, mais vas-y, parle dans ton micro là, parce que sinon cela je vais l'indoler. Cela ne nous regarde pas. Ah ouais. Ouais. Tu nous regardes pas. Non, des histoires. Moi, je vais aller à Dublin, moi. Dublin. Encore. Ouais. C'est où ça? Cette fois-ci, je vais vous. C'est au nord de l'Imérique. Ils ont une super présidente apparemment. Du enfin, je sais pas. Post-punk. Oui. Nothing for it. De Death Metal. Ouais, ils ont une excellente présidente. Un skip, elle est bien. Arrivé de la formation alors, jusqu'au c'est cerveau. C'est du post-funk alt-punk band. D'accord. Ouais. Band. Ouais, et ouais, apparemment, il y a un des gars qui a tourné avec plein de groupes. Et voilà, donc on va écouter Death Metal, Nothing for It. Mais très sympa, encore quasiment du post-punk. Hein, quasiment, c'est clair. Post-punk, si tu records. Je vais changer un peu d'ambiance. Ah. Je vais revenir à ce que je passe souvent du punk hardcore. Ah ouais, trop bien. Enfin, bon, là, c'est peut-être plus. J'aime un peu bien. Du beat, mais. je vais vous parler de DSM-5. C'est un groupe de 10 beats de. Attention, peut-être je vais écorcher le nom de la ville. Skarblacka. C'est en Suède. Okay. C'est un groupe qui existe depuis 2021. Pour info, sachez que DSM-5, c'est un livre de diagnostic des troubles mentaux. C'est ce que je pensais. Ouais. Bah, je savais pas, j'ai cherché des infos sur le nom du groupe et puis ouais. Des années 60. C'est ça, je connaissais pas. Ils ont tourné il y a quelques semaines avec nos Lillois préférés, les Jodie Foster. ils ont déjà sorti plusieurs disques et le dernier en date, c'est un split avec le groupe Varoatis. Il s'appelle Östergötland Jawbreaker. Il est sorti en janvier 2025. Et on va écouter tout de suite le morceau Touriste qui est issu de ce split, si je le retrouve. Ouais. Il est 20h et 25 minutes à l'antenne de Campus 106,6 DAB+, Canal 7C, campusnil.com. Et c'est Pyongyang Styro 15, numéro 412, qui vous présente maintenant Another Blade of a Zionist Nightmare. C'est une série de compilations bruyantes sorties par le label catalan Plastic Wound Records. La numéro 5 vient de paraître. Tous les bénéfices de celle-ci seront versés à l'ONG Samir Project. C'est une association basée à Londres qui, sur le terrain en Palestine, aide les gens éjectés par l'armée occupée. Et maintenant, avec le cessez-le-feu, les aide à revenir dans les quartiers, les villes, les villages qu'ils avaient été forcés d'abandonner. Pour en savoir plus, il y a le site de la campagne de collecte sur chuft.org, chuded.org. Je mettrai l'adresse entière sur le site web de Pyongyang. Hein, faites pas chier. Niveau zik, sur cette compilation volume 5, donc, on trouve des noms connus. Jodie Foster, tiens, toujours les mêmes. Desuésadero, Wet Dreams, War Machine, Ennemi Intérieur, Ennemi Intérieur qu'on a déjà passé ici, tout cela. Oui. Voilà, c'est sorti en numérique le 2 novembre dernier. Ça sera bientôt disponible en cassette, accompagné d'un gros zine avec les paroles, la présentation des groupes et la présentation du Samir Project et de son activité et plein d'autres trucs. Voici donc un extrait, premier extrait certainement, parce que j'en passerai d'autres. Et puis peut-être. Ah ouais. Même tout passer. Va savoir pour faire une émission entière. C'est Guerra Sucia, ça veut dire guerre sale. Et la chanson qu'ils nous font, c'est Quanto cuesta vivir, ce qui signifie que vaut une vie, Guerra Sucia. We'll be right back. Tu disais quand même des choses fort de café en antenne, Stéphane. Ouais, ah oui, et puis j'ai oublié de dire que ça se trouve sur le Bandcamp du label, dont auquel que je rappelle qu'il s'appelle Plastic Wound Records, PLSTIC, espace WOUND. Okay. La blessure en plastique. Voilà. Alors, je vous préviens, mais pour le prochain, il sera un peu comme toi, Stéphane, après hors antenne, fort de café. Mais est-ce que ça sera vraiment un groupe breton cette fois? Bah, c'est peut-être moi qui suis fort de café dans l'histoire. Tout à l'heure, ils étaient nantais, voilà. Peut-être que je vais me faire rallonger d'un direct du droit, peut-être d'un crochet du gauche bouillon, mais tant pis. C'est nouveau, d'octobre. C'est une démo, ça vient de Brest. Et elles sont cinq, ça chante en plein langue. Le groupe s'appelle Ristretto, le titre Box envoie l'Upercute, c'est Lio. Je suis pas allé assez rapide. Ouais, ouais. Continue, mais c'est pas possible. Hein. Tu t'es pris pour Georges ou quoi? Ah, je suis de bonne humeur. Bon, allez. Là, je vais retourner en Irlande. À le chauchette. À Belfast. Pour un groupe de. Dans le micro. Irish Noise Punk Band. Enola Gay. Alors, je vous. Enola Gay. Ouais. Je vous... C'est pas de l'avion qui a explosé une bombe quoi, sur Hiroshima, c'est du post-punk qui vient de Belfast. Ah ouais, bah ils sont passés à Tourcoing, là, au Grand Mix, en début d'année, je pense, il me semble. Ouais, je crois. Donc c'est, le titre, c'est Scrappers et Enola Gay, tout de suite, sur Pyongyang City. Cross tattoos Les menaces, que des menaces. Bon, on va arrêter, c'est vraiment pas une émission. Pyongyang City Rockers et il est 20h35. Vous êtes... Ah ouais, moi je pensais qu'il était 21h35. encore une horaire différente. Moi je vais vous passer encore un nouveau groupe de tournée. Ça s'appelle Amino Acid Club. Avec, enfin, nouveau, ouais, c'est pas très vieux, ils viennent de sortir leur deuxième EP, je pense. Avec notamment, oui, il y a des membres de Dogmen dedans. C'est du garage comme ils savent bien faire à tourner, surtout au Watermoulin. Oui, c'est ça, ils prennent les mêmes, ils recommencent, ils mélangent, ils font... C'est ça. Bon, on va pas commencer à... Ah, nous, faut pareil, hein, ici. C'est sûr. Et à Courtrai, c'est un peu Yangan. Ouais, mais je crois que partout, c'est partout pareil. Il y a un triangle amoureux entre Lille, Courtrai et Tournai, et puis du coup, ils s'échangent aussi les musiciens. Vous allez voir tout à l'heure, je vais en parler. Ah, ok. Revenons à Amino aussi. Donc, ils viennent de sortir 4 nouveaux titres qui ont été enregistrés au Watermoulin. C'est sorti ce mois-ci, et on va écouter tout de suite Patient River de Amino Acid Club. Oh, On décolle vraiment pas des sons synthétiques ce soir. C'est clair. Mais voilà, c'est bien. Ça remue quand même comme ce qui va remuer dimanche au Pits. Ça sera Malavista et en première partie, vous aurez les excellents Lilo Courtraisien maintenant, Public Toys. Pourquoi j'ai dit Courtraisien ? Parce qu'apparemment, maintenant, il y a Juju du Pits qui est dedans. Enfin, si j'ai bien compris. Hein. Donc, Public Toys, bah, voilà, encore une gloire montante de la région que nous allons pouvoir écouter tout de suite avec Big Flash en attendant de les retrouver dimanche au Pits. On a plus de toys. Le tout c'est Big Flash. Un vrai Larsen, ça. C'est pas un fade out, c'est un vrai Larsen de fin. Oui. Mon prochain s'appelle Patient Zéro. C'est du punk rock qui chante en français comme absolument tout ce que j'ai passé ce soir, d'ailleurs, au passage. Oui. Ouais, j'ai fait un truc comme ça, j'ai remarqué, mais je fais putain, mais j'aime que des groupes français aujourd'hui. Bon. Mais ça, il faut, c'est pas mal aussi. Hein. Puis c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. C'est la pleine lune. Voilà. C'est la pleine lune. Ouais. Donc c'est un groupe qui chante, qui fait du punk rock et qui chante un français qui vient de Tours. Le groupe a sorti son deuxième EP en mai dernier, c'est intitulé Souvenir Noir. C'est sorti en cassette d'ailleurs chez Dirty Slap Records. Ah bah voilà. Le artwork voilà. Est made by Barreto. Donc c'est forcément un bel artwork. En fait c'est des Lillois ou quoi? Bah non. Non, c'est pas des Lillois, c'est des gens qui sont à Tours. Okay. On n'est pas allé vérifier, mais a priori ils sont à Tours. Et le morceau, du coup, sortilège, car des fois on se sent maudit. Et notamment quand on n'a pas certains privilèges, notamment la couleur de peau, la classe sociale, l'orientation sexuelle, de genre, bref, la liste est longue. Ou alors qu'on n'a pas de cheveux aussi. Ouais, je me sens un peu maudit, mais franchement, comparé c'est à d'autres, maudit. Ça va. Let's go. Les mains foutent à ce moment dans les messes. Prolifèrent J'ai mis ou j'ai-t-il là Passion zéro, sortilège. J'ai mis, mais il faut que je retrouve mes notes. Oh voilà. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas du fait coup, on la peut technique. Passer des messages genre Malvina, écris à Stéphane pour la semaine prochaine, pour venir la semaine prochaine avec ton équipe de l'Ardente. Alors, s'il te ouais, plaît. Non, on va quand même expliquer. Si, il ah, est possible que les gens de l'Ardente viennent la semaine prochaine. Ah oui. Expliquer ce qu'il y aura au Silicate Fest en fin du mois. À Oisem, mais bon, c'est pas encore sûr. Alors, j'aurais pas dû l'annoncer, ouais. En fait, on n'aurait pas dû le dire. Voilà, voilà. Bah si, mais comme ça, on préannonce, mais de toute façon, ça arrivera. Voilà. Ça arrivera. Et, ça arrivera. Et normalement, aussi, si les petits cochons ne nous mangent pas, on fait un live le vendredi 28 novembre, ici même à Campus, donc de 21h à minuit dans les studios de Radio Campus. Et à l'écoute, vous pourrez entendre non seulement un concert de Naked Nurses, mais en plus de ça, nous les aurons en interview, et puis après ça, passeront de la musique. Kazembia. Oh, ça va et être puis bien. Ça finira vers minuit si on n'est pas fatigué. Au revoir. Bah, je vais venir. T'as retrouvé tes notes ? Bah oui, c'est bon. Ouais. J'attendais que tu finisses de parler. Moi, je vais vous passer un morceau de Madame. C'est un trio de Toulousaine, de rock, un peu Riot ça. Girl. Donc j'en avais jamais entendu parler avant, mais c'est une copine qui m'en a parlé. Et puis du coup, en cherchant des infos, j'ai vu qu'elles avaient déjà pas mal tourné. Et pas que sur des petites scènes, ouais, sur des gros festoches et tout. Ouais, ça, moi, ça tombe bien, madame. Et en fait, elles vont arrêter leur groupe. Oh. Et leur tournée. Bah ouais, ouais. Du coup, j'ai appris ça en même temps. C'est ça. Et leur dernier concert, ça, c'est fin novembre. J'ai vu qu'il y en avait à Montreuil et sur Paris. Oh, c'est loin. Ouais. Mais non, ils passent pas dans le coin, en tout cas. Et du coup, on va écouter tout de suite Mad de Madame. Pas capté. Il est 20h et. Ah, pardon ? Ah oui, je voulais juste préciser, du coup, j'ai été voir où est-ce qu'elle jouait. C'est dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. Et du coup, c'est que en région parisienne, c'est Montreuil, Sannois et Ris-Orangis. Beaucoup trop loin. Il est 20h51 minutes et 30 secondes quasiment à l'antenne de campus. Il nous reste encore moins de 9 minutes. Dans Pion Gangster Rockers numéro 412, on m'a demandé de passer quelque chose de court et donc je vais passer du grind. Voilà, parce que c'est la meilleure chose à faire. Hein. Pour annoncer concert de mardi prochain à la Bulle Café, il y aura non seulement Warmroth Gumo, mais aussi Lawesome. Lawesome. J'arrive pas à le prononcer ça en anglais. C'est pas grave, c'est qui joueront. C'est un concert organisé par Cerber Coryphée. J'adore le nom de cette association. et voilà. Et puis bah, donc voici Lawesome avec Tapeworm Infected, Brain Rot Perfected. Je pense que ça s'adresse au Kennedy là, qui est au gouvernement américain. C'est parce qu'il a, il paraît qu'il a un verre dans le cerveau, puis que c'est le voilà. Il est ma boule. Lawesome, Tapeworm Infected, Brain Rot. Enfin un truc. Oui, ah, ça fait mal, hein. Puis en plus, ça dure pas longtemps. Oui. Bah écoutez, cher grand leader, grande idée, je vais vous trahir. Après avoir ramé, après s'être échappé de, du post-punk, des claviers, tout ça, eh ben, on va y replonger. C'est maintenant avec Beljar. Beljar, nos Lillois et nos Lilloises, que j'ai eu l'occasion de voir pour la deuxième fois, parce qu'ils avaient fait, dans leur troisième concert, voilà. Ils avaient fait, jouer à la Bulle Café, on en parlait juste avant, au CCL. Et là, je les ai vus dans encore de meilleures conditions à Paris. Et franchement, le concert était vraiment, vraiment trop bien. Ils ont ébloui la scène. Comment ils se la pètent ? Comment ils se la pètent ? Électrique à Paris, parce que Paris, c'est pas si loin, Stéphane. Le mi-jeu au pied. Ah ouais, ouais, ouais. Et bref, au Cirque Électrique d'ailleurs, au passage, lieu bien sympa, pas trop cher pour Paris, tout ça. Et Beljar, donc groupe lillois, ils ont sorti leur album déjà dit ça, allez, en le temps mois passe. De janvier, tout ça. Voilà, qui est super bien, vous pouvez retrouver sur le camping des groupes, tout ça. Voilà, les moulinets, Stéphane. Allez, Beljar, plonge.